Bonsoir et bienvenue comme chaque jeudi soir dans votre émission L'Antichambre. Vous êtes sur le 105.9 de Radio et les Bords. L'Antichambre, eh bien, comme vous le savez, c'est une émission à forte tendance hip-hop, mais de temps en temps, on aime bien un petit peu dériver vers d'autres courants musicaux, un peu plus soul, funk, et ce soir, on vous a préparé justement une émission vraiment, vraiment très éclectique. On aura un petit peu de rap, on aura pas mal de funk, un petit peu d'électro, un petit peu de dub, pas mal de choses très intéressantes. On va tout de suite enchaîner avec un long mix qui va durer près d'une demi-heure, dans lequel on retrouvera Mr. Confuse, un des producteurs du groupe allemand Breakout, avec un superbe titre récent Too Hot en featuring avec Elaine Thomas et Dan Salem. On écoutera ensuite TM Juke, le producteur du côté de chez True Thoughts, pour son titre So Good en featuring avec Alice Russell. On restera chez les anglais du label True Thoughts avec le groupe The Bamboos, qui doivent être eux australiens, et on écoutera On The Sly en featuring avec Kylie Odist. On aura ensuite derrière, toujours des anglaises, Herbalizer avec Twice Round en featuring avec la female MC Jean Grey. On aura derrière Wax Taylor, le producteur français, avec au micro encore des anglais. Il s'agira de Say Yes avec donc les anglais de ASM A State of Mind. On enchaînera avec toujours un producteur anglais, Freddy Krueger, et le morceau dub Rhythm Full of Culture. On restera dans le dub avec l'allemand Cabin Jack, la moitié du duo de producteurs Ancient Astronaut. On écoutera Dub to Go. Et on continuera avec Quantic, Beat Fanatic, Renegades of Jazz. Enfin voilà, plein de bonnes choses. Mais tout de suite, un superbe titre, Shaolin Temple Defenders, un groupe funk, en featuring avec Gift of Gab pour le morceau Take It Slow. C'est un titre qui nous vient du label français Soul Beats et qu'on retrouve sur la compilation que l'on vous recommande, Château Soul Beats. And right now I'm cooling out with the Shaolin Temple Defenders all day. Gotta take it slow. Take it slow. Only one thing in a row. Take it slow. Little baby. Take it slow. All your rib is what you saw. Careful where you step to. Take your time, inhale, exhale, and perfect your path. You walk the map, the fury of the wrath, the chatter that'll inhabit your thought pattern, anatomy passionately moving too fast in a flash. Never even taking a second to be smelling the pasture. As time ticks, the mind drifts, divine gifts, the mindlessness. The only thing that's only timeless, bliss bound with the sound. Get up for the get down, lay back for the impact, alive exists. Never could you fathom eternity, survivalist. Everywhere is everyone, flesh is not surviving this, but in the very back of your mind's a whisper. Under it is a very deep and wide abyss. No one ever could kill us, stop it, so abide in this. Because when you're running, don't know a finish line exists there. You gotta take your time. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Take Once was caught up in circles, trace sloppy, paint with no numbers. Original copy, Gene the Ripper, Miss Gray. Yes, I is, maintaining inside the state of the biz. All grown up now, thicker like a 50 and a buck now. Mama's so proud, and my baby love me long time. Ain't it crazy how we always find a shit when we ain't looking? Cop that album that dropped and go knock that. Set your clock back to ill, throw on your shell toes, step with me. Finally see the light, some of my dreams are right. Thank y'all for letting me build, but y'all letting me spill my guts and chill. All just a little too much, a minute of touch and word is enough to curb the quitter in me, literally speechless, I am. So we all growed up now, hard times, seen the world twice around. Word, so young and so old, such a child, but so it grown. Only feels like a day. We all grown up now, been through hard times, seen the world twice around. So young and so old, such a child, so grown. But it only feels like a day. Better run and get your writers and sunscreen. I'm running till I can't stop, and kneecaps pop the socket. Then I drop and crawl, and when my skin wears thin, I roll and throw myself uphill. And tuck and duck anything you're throwing at me. Clap me, stab me, rap me out, come at me. Slap me, punch me, make me happy. I just turn it around, use all that shit. Reviewers who ski with my name. Your cat spit next LP, aim, click, blow out your brain. That's it, gunning hard for motherfuckers like Oliver Wang. So we all grown up now, been through hard times, seen the world twice around. Word, so young and so old, such a child, but so it grown. Only feels like a day. We all I've been keeping it real. Say yes. And if you got the spirit, stand tall. Say yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Say no to blood sucking down, press a man. Say no if you're ready for some buckshot glass. Say no if you're fed up and ready to draw. Say no way, y'all. No way, y'all. This one is for the refugees, the child soldiers, carrying the weight of the world upon their shoulders. The homeless, a few true microphones, not afraid to raise the fist to use the groove against the opponents. Do the horns for the Haitian and rhyme for Rwanda. Kick it for the Congo, on the one for Obama. Obama. I bring the drama like a suicide bomber for the people of Tibet and the Dalai Lama. I'ma pass it over cause I'm too vexed to keep on. The kind of crap designed to make you clap, yet we weep on. The trees gone cut all across the globe. Can't nobody see we've had a holocaust. Hey yo, what's the cost of hope? And that of a democracy. Liberty, freedom and equality, you follow me? Follow the cause of peace now is pivotal, lyrical, spiritual cleansing of minds that strikes critical. Say yes, yes. You should speak what you feel. Say yes. For the artist that be keeping it real. Say yes. And if you got the spirit, stand tall and say yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Say no to the blood sucking down, press a man. Say no if you're ready for some buckshot glass. Say no if you're fed up and ready to brawl. To say no way, y'all. No way, y'all. All planets, man your plans. Condition red. Repeat, condition red. This is not an exercise. Repeat, this is not an exercise. Too long our eyes been closed and blindfolded. A new dawn is rising now. The mind's old enough to know the stuff going on behind our backs. Roll with us, you might get to find the facts. Mind the gap, lift up your voices. Fists up, rejoice, it's a switch in the choices we must make. Bust fake, trust great minds. For the sake of our sons and daughters, yo, let's ride. Next up, fire up on the wicked damn. Pick a blend. One time for the parasites, using bricks and pens to follow whims and exploit fellow man. Stay cloudy, allow me to quote yellow man with the zungo zungo zungo zungo zang. Manipulating roosters, neglecting the hens. Step to the end of the deepest dark forest. Where hands are empty but the souls are being sold for yes. If you think that you should speak what you feel, say yes, for the heart is still keeping it real. Say yes, if you got the spirit to stand tall. Say yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. When it comes to our protecting the mind, attention. Big attraction, only we forget to mention. We got the table on the tables, we invention. to protecting the lives of 22 million Afro-Americans. Me on. You make me feel. You make me feel. À l'instant, pour terminer cette session, on était avec Renegades of Jazz avec le titre Hip to the Jive. Renegades of Jazz est un producteur qui mêle en fait des sonorités jazz sur des fonds breakbeat et le résultat est assez intéressant. Et les deux titres qu'on a entendus juste avant, on a eu Quantic and his Combo Barbaro, c'est un petit peu la formation sud-américaine de Quantic basée en Colombie avec leur titre phare Wandering Star. Et on a eu ensuite derrière le pool de producteurs Beat Fanatic avec Organ Madness. On va maintenant enchaîner la deuxième partie de cette émission. On va s'écouter encore un long mix avec cette fois des BPM un petit peu plus élevés. Mais on va rester dans cette sonorité funky break. On va avoir tout de suite Delicious All Stars avec Mugging Day. On continuera avec Mr. Confuse qu'on a déjà entendu en début d'émission avec Why Can't You See Me featuring toujours Aylen Thomas. Donc c'est la phase B du superbe titre Too Hot qu'on a entendu tout à l'heure. Vraiment Mr. Confuse qui nous a sorti là un très bon maxi. On écoutera ensuite Brown Out avec African Battle. Il s'agit en fait, les amateurs reconnaîtront, d'un cover d'un titre de Manu Dibango. Brown Out, un titre. Brown Out est un pool de producteurs qui tourne autour des Hydroponic Sound System. On enchaînera avec le DJ et producteur français DJ Cléon qui nous vient du superbe label Favorite Records avec Bougalo Pow. On continuera avec The Juju Orchestra et un titre remixé par le producteur anglais Smooth qui se nomme Kind of Latin Rhythm. Et on aura ensuite deux titres, DJ Day, le producteur californien, pareil, un super producteur qu'on aime beaucoup dans l'antichambre. Et on écoutera le titre Gone Bad, il s'agira du Hawkeye Remix qui était sorti à l'époque sur le label allemand MPM pour Melting Pot Music. Et on terminera cette session avec les anglais, deux producteurs, The Beekeepers avec Symphony in B. Donc voilà, la fin de ce mix aura des tendances un petit peu plus électroniques, mais tout de suite on vous laisse avec le funky Delicious All Star pour Mugging Day. the blindness from eyes, soul, clothes. really a bossa nova, but we think that you will dig this, because this is the bossa nova. We'll be right back. Go ahead, listen. J'espère que vous avez apprécié cette petite émission qui nous a emmené sur des chemins un petit peu différents que les chemins purement hip-hop qu'on a l'habitude de fréquenter. Et pour terminer cette émission, on va vous laisser avec un titre qui dure pas loin de 5 minutes, un superbe titre en deux parties. Il s'agit du groupe Fruitful, un groupe qui doit être assez proche du producteur anglais Lack of Afro, et on écoute le morceau Latin Strut. Voilà, bonne semaine à tous sur Radio Les Bords et rendez-vous dans l'antichambre jeudi prochain ou lundi pour la rediff.